Le premier podcast au monde à faire un épisode sur un télésiège. Alors, oui. Ça va ? Oui. Et en fait, on comprend pourquoi. C'est insupportable. C'est pas pratique. Bonjour. On espère que. Salut les que gamers ça va. Et bonne année. Bonne année. Est-ce que vous allez bien? Ben nous non. Et vous savez nous, pourquoi? Parce qu'on a fait un podcast d'une demi-heure sur un télésiège. On s'est gelé les couilles. Voilà. Et ça n'a pas enregistré. Ça n'a pas enregistré. Voilà. Non, si, ça a enregistré. Ça a enregistré le. Deux secondes. Ça a exactement fait. Ok, c'est bon. Là, ça enregistre. Et après, plus rien. Donc, c'est la déception. Attends. Ouais, exact. Je pense qu'il faut le. Voilà, le mettons-nous à l'ombre tranquillement. Attends, tu m'appuies sur le casque. Quelle idée d'acheter un casque avec un fil de 17 cm hein. Peut-être que c'est un casque Bluetooth à la base, donc genre, j'ai vraiment pas besoin de fil normalement. Mais bon, Effectivement, bonne année surprise, on est effectivement à la montagne et tout de suite, plan d'introduction, establishment chat. Voilà, nous sommes actuellement dans un télésiège, ce n'est pas un fond vert, on pourrait le croire. Mais pas ce du ne tout. Sont pas des effets spéciaux. On est à la montagne et c'est 100% plaisir. 100% real. 100% plaisir. Exact. Alors, ouais, on s'est dit qu'on pouvait faire un petit podcast sur un télésiège. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on en parle. Voilà, c'est... Et on s'est dit, bon, logistiquement, ça devrait être un peu chaud, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Et comme on l'a prouvé tout à l'heure, oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Si on n'est pas des débiles finis, en fait. Non, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le bouton d'enregistrement, on le remet en le fermant, ça a appuyé dessus, malheureusement. Bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais en plus, c'est voilà. Bien parce que, pour être tout à fait honnête et transparent, vu qu'on était un peu dans le stress de « Ok, est-ce qu'il va falloir descendre à chaque station? Est-ce que ça enregistre bien? Est-ce qu'on nous entend? Il y a le vent et tout. » Les 10 premières minutes n'étaient pas top. Là, on est bien chaud, malgré qu'on soit dans le froid. Exact. Donc ça fait plaisir. Écoute, j'ai tout de suite envie de parler de nourriture. Oui, la nourriture. Faisons ce chapitre, comme ça c'est terminé. Feu la nourriture. Alors, chacun dit un plat montagnard à partir de maintenant, la tartiflette. Fondue. Je l'ai dit en premier, la tartiflette, donc la fondue, ensuite la raclette. Les planchettes de charcuterie. Les planchettes Par contre, je sais pas si je suis bien dans le cadre là. Mec, voilà. C'est un grand angle. Oui. Même comme ça, oui, on t'a... Oui, peut-être. Je sais pas, après, bon, t'es réalisateur, tu pourrais faire en sorte qu'on soit à peu près cadré. Là, on est bien. Là, c'est parfait. Non, mais en fait, je suis désolé, mais je fais au mieux, en fait, pour ouais. Que le contre-jour, en fait. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, en fait... Vrai, si je nous mets comme ça, vous aurez un petit peu de... Un petit peu de paysage. Voilà, un peu de paysage. J'espère qu'on le voit, d'ailleurs. Ce qui est vraiment beau, c'est que, pile en arrivant, on s'est dit, bon, fondu. Sauf qu'on ne s'est pas arrêté là, attention. On a pris une pizza en entrée, puis la fondue. Quel plaisir. D'ailleurs, on s'est fait avoir parce qu'on s'est dit « Oh, trop stylé ! La fondue est à 20 balles pour deux personnes. » Donc, ce qui fait 10 euros par personne, c'est ça. 20 oui. divisé par 2, 10. Ça fait 10. C'est bien ça. Ça fait 10, ouais. Et en fait, finalement, non. Ça nous a coûté 40 parce qu'en fait, c'est 20 euros par personne. Ah ! Et ce n'était pas écrit. Et mais oui. Bon, c'est pas grave, on est... Ça reste quand même pas trop cher. Hein. Voilà, c'était quand même correct. De toute façon, on s'y attendait. On est sur du 100% plaisir et n'oublions pas oui. que le ski est un sport de riche. Exact. Rien que niveau forfait, il faut avoir les moyens d'assumer ça. Donc, oui. Bien sûr, on a beaucoup de chance. En cela plus, dit, ça fait... Enfin, on a beaucoup de chance, non. C'est beaucoup de travail, surtout. Ce sur quoi on a eu... On a eu du plaisir aussi. Désolé, ma voix a vibré encore. En fait, Vincent a la maladie. C'est quand même, tu choisis toi-même. Oui, bon. Je ne sais pas pourquoi il s'élance dans des diatribes pile au moment où on passe un pylône. Et où donc ma voix fait... Mais tu es un vibrato naturel. Je vais vous faire une démonstration à partir de quelques secondes là. Attention, la démonstration... Voilà, vous avez c'est vu moins ça pire que ce que je pensais, en toute franchise. Rapproche un petit peu le casque, le voilà, le voilà. Je l'ai vraiment collé à ma bouche. Hein. Là, je peux lui rouler une pelle à tout moment. Attention. Et on sait que tu es pro là-dedans. Hein. Je suis pro roulage de pelle au micro, moi. Un pouleur. Un pouleur. Et un prouteur. Un crooner. Un prouteur fou. Alors, est-ce que Bon, ce passage dans le podcast précédent qu'on a raté m'a fait plaisir que, dans le sens où il a été supprimé. Attends, mais cette phrase n'est pas du tout française. Écoute, j'ai froid. C'est quoi ? C'est des puzzles ? Tu donnes des mots dans un ordre aléatoire, il faut la reconstituer. Exactement. Et moi, je suis comme ça. J'aime donner et je donne des jeux. Tu dois le faire. Regarde lui comme il se donne. Oh là là. 100% plaisir. Le snow, c'est stylé, mais ça n'a pas l'air si ouf que ça. Voilà, je trouve. Pourquoi se le ski, s'infliger c'est... de le ski, c'est 100% liberté. Après, bon, tu pourrais me laisser parler de non. temps en temps. Non, j'aimerais pas du tout. Bien. Tu te venges, bâtard, car dans l'épisode d'avant, tu as fait ça à 200%. Oui, c'est vrai. Et les gens ne vrai. Le sauront pas. Alors, enfoiré. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse insulter les gens sur Spotify. Oui, bah déjà, qu'est-ce que vous faites sur Spotify ? Oui. C'est un épisode où il y a des paysages magnifiques, donc venez sur YouTube. Exactement. Prenez-vous en main, réveillez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, regardez-moi ça, là, tous ces gens qui skient. Et ils ont bien raison. Nous, on est là à se peler les couilles sur un télésiège. Alors, hier soir, on a pris des crêpes crème de marron au panoramique. Juste c'était... là. Oui, c'était très bon. Avec un petit coca, tranquillement. Et on a mangé des planchettes, mon pote. Des planchettes de charcutes. Oh mon dieu ! Charcutes de fromage. C'était... Et qui est somme toutefois ultra garni. Superbe. Très gourmande. Oh là en plus, ils ont des chambres et ça me donne grave envie de dormir ici une fois. Mais bon, j'ai aussi envie de dire... On a d'autres choses à faire. Exact. Non, bon là, alors on arrive au bout du télésiège, donc on va devoir yes. Déjà parler avec une voix qui tremble et après ouvrir ça, hop. Sortir, hop là. C'est... Oh, c'est bon. On me tire directement. C'est bon, c'est bon. Voilà, on est en vie. Quelle idée, quel autre podcast au monde fait des choses comme ça ? Je vous pose la question. À mon avis, aucun. Zéro. Attends, je tourne le sac, comme ça tu es à l'aise. Merci beaucoup. Donc voilà, regardez-moi juste ça. En fait, c'est ton bras qui me tient. Ah, mais t'inquiète, je reste près de toi et il n'y aura pas de soucis. Reste ghetto, hein, reste oui, ghetto malgré tout. Là, j'ai l'air de vouloir te faire un câlin alors que pas du tout. Non, pas du tout, on se déteste. Hein, c'est pour, oui. C'est pour le c'est spectacle. C'est toujours pour la vidéo. Hein, tout oui. ça, c'est pour le spectacle. Alors je vais faire en sorte que les fils passent. C'est voilà. Bon. Hop. Et on le prend en sens inverse. Ça aurait pu, là, on aurait pu découvrir le fait de prendre un télésiège en sens inverse pour la première fois de notre vie, mais non, car on l'a fait dans le podcast précédent, hein, on le rappelle. Hop, on descend là-bas, attention, est-ce que tout vas-y, est prêt vas-y, c'est bon, c'est bon. Il y a le câble, voilà. C'est bon. Il faudra faire attention au câble, effectivement. Ah. En fait, on se disait, ouh. Le premier podcast au monde à faire un épisode sur un télésiège. Alors, oui. Ça va ? Oui. Et en fait, on comprend pourquoi. C'est insupportable. Pas, c'est pas pratique. Pourquoi s'infliger ça ? Toutes les 15 minutes. Et donc, on sait maintenant que... Ah non ! Ça fait à peu près 7 minutes de montée. Ouais, environ. Non, plutôt 6. Hein. 6 minutes de montée. Ah non, effectivement, parce que là, on l'a mis au début. Tu as tout à fait raison, c'est du 7 minutes. Ouais, du 7 minutes de montée. Et tout de suite, regardez-moi 7 minutes en tour complet. Oh là là, c'est juste beau. Profiter. C'est hyper beau. Et comme on le disait tout à l'heure, ça fait vraiment bizarre de prendre un télésiège en sens inverse. Exactement, mais l'attraction. C'est un milliard de fois plus beau, mais malheureusement, c'est pas en bas que tu vas skier, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, finalement. Voilà. Pour tous nos frères enfermés, regardez-moi un petit peu ce panorama. Si vous nous écoutez depuis la prison, bah déjà... Force à vous déjà. Première chose, et arrêtez les crimes, finalement. Écoutez, sauf si vous êtes avoir, innocent et que vous êtes enfermé contre votre gré. Pour avoir travaillé dans le milieu du rap et donc avec dans des le gens, milieu carcéral. Dans le milieu du rap, oui, j'adore la prison, ça c'est ma passion. Oui, bah oui. Passion prison, hein, d'ailleurs on m'appelle comme ça. Prison passion. Non, pour avoir travaillé dans le milieu du rap et du coup avec des gens qui ont plus ou moins des moyens financiers, voilà, ça ne veut rien dire. Enfin, vous m'avez compris. Non, moi, je n'ai pas compris du tout. Je suis désolé. En fait, il fait tellement froid. J'ai le cerveau et la bouche gelés. La bouche. Bah, tu peux nous faire tes petits exos de diction. Non, mais voilà. D'abord, j'avais envie de parler de ça. Et effectivement, c'est pas tout le temps. Moi, je ne valide pas, bien évidemment. Mais je comprends qu'il y a évidemment des personnes qui veuillent s'en sortir... avec des larcins, en commettant des larcins et divers crimes. Après, évitez de tuer des gens, car sinon vous êtes un bel enfoiré. On va pas se mentir. Allez vous faire. Si vous finalement, tuer, c'est pas bien. Ça, c'est une bonne remarque. Ouais. On fait un podcast pour des remarques comme ça, je pense. Bah, on dénonce avant tout. Hein. Bien sûr. Et tout de suite, petite... Alors, déjà, petite vue. Encore. Avec un maximum de vergure dans vos dents. De vergure. De vergure et de français raté. De verdure dans vos dents, ce qui me fait me rappeler que dans un des restaurants dans lequel on a mangé, le Delta... Le Charlie Delta Commando. Hein. Voilà. Il y avait différents types de plats, forcément, sur le menu, dont... c'est bon là ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ok, il est en dessous. Pour la rubrique salade, c'était précisé énorme salade. Énorme. Et l'ayant vu à la table d'à côté, on peut dire que... Ce n'est pas mensonger. Voilà. La publicité n'est pas mensongère. Après, est-ce qu'on peut croire quand même des personnes, des montagnards hein, qui nous, au moment où on commande une bière, nous disent « Ok, c'est noté les petits loups, c'est noté !» Et bien sûr, les mousses au choc, toujours. Ouais, les mousses au choc. Qui remportent un franc succès. En fait, il fait référence au fait que quand on était dans ce restaurant avec les énormes salades, enfin pardon, je veux dire, les énormes salades, oui. À côté, enfin quand on a pris nos commandes, le mec a dit littéralement « Ok, c'est noté les petits loups !» Bon, déjà, on a 23 ans, donc quelque part... Calmez-vous, monsieur. Calme-toi direct. Nous ne sommes pas amis et nous ne le serons jamais. Non, mais voilà, les... Ah oui, et du coup, à côté, la serveuse prenait des commandes pour le dessert. Oh, la tarte au citron, malheureusement, elle n'y en a plus, victime de son succès. Hein. Comme la mousse au choc. La mousse au choc. Bien sûr, la mousse au chocolat qui fait un choc gustatif. C'est sûrement pour ça qu'on le raccourcit. Mais voilà, très, d'ailleurs, très sympa, alors, les montagnards. Incroyable tradition culinaire chez les montagnards, puisque en montagne, le moindre effort te demande le double de respiration. Voilà, forcément, puisqu'on manque d'oxygène, forcément, l'oxygène se raréfie en altitude. Donc, ça serait important, dans la logique des choses, de rester fit, de rester sportif. Voilà. Et ils ont les plats les plus lourds du monde. La tartiflette, c'est en même temps... fromage, lardon, patate, pommes de terre. Enfin, pourquoi rien. Incroyable. Aucune nutrition là-dedans, zéro. Cela dit, le plaisir est absolument immense. Il est 100% plaisir, 0%. Et donc, on comprend pourquoi ils font tout ça. Regardez-moi cette vue. On n'a pas dans notre mode de vie contemporain. Non, sérieusement, on a perdu l'habitude de se poser un petit peu et de profiter de toutes ces belles choses, de cet air froid qui nous caresse le visage et de ces vues. Par exemple, qui nous caressent la rétine. En faisant un podcast au lieu de juste regarder finalement le paysage. Que c'est beau. Écoute, on fait un podcast pour faire profiter les gens. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partir, donc profitez si jamais vous ne pouvez pas partir. Voilà. La montagne, quel plaisir quand même. Yes. Voilà, les gens sont heureux et ils ont bien raison. Oui, il n'y a pas Sandrine du bureau qui les fait chier le lundi matin avec des photocopes. Oh là là, les photocopes. Il n'y a pas de photocopes, mais il y a de la mousse au choc et c'est tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de papier dans la photocopieuse là. Non, c'est vrai, ça fait du bien de fuir le stress, de fuir ce mode de vie un petit peu fou. Constant, tout le temps dans la productivité où on combat la fatigue pour rester productif alors qu'on devrait combattre la productivité abusive et respecter la fatigue. Normalement, c'est ça le bon schéma qu'il faudrait faire. Oui. D'ailleurs, j'ai dormi 9h10 cette nuit. Ah bon ? Ce n'est pas arrivé depuis 3 mois. Normalement, je fais des nuits entre 4 et 5h30. Et là, quel plaisir de dormir. On se sent... Mec, je me suis réveillé, j'étais... reposé, je me suis levé direct. Incroyable, ce plaisir. Beau, d'ailleurs, on arrive. Hein. Bonjour. Non, pas est-ce bonjour. Est-ce que on refait un tour ou pas? Écoute, mes mains commencent à congeler, mais ce sera mon dernier tour. Allez, on se fait un dernier tour. Est-ce que tu veux que je porte ça? Ouais. Alors, hop, ça c'est beau. C'est bon. Oula, c'est bon. T'inquiète pas. C'est sécurisé. Ok, il n'y a pas de câble qui monte en l'air là. C'est parfait. Hop, et j'arrive tout de suite. Donc, notre dernier tour. Voilà. Qui sera un tour de magie. Un tour de piste. un tour de piste. Alors j'étais fier de ma blague, tour de magie, parce que la vue est magique, mais un tour de piste étant donné qu'on est à sur la des montagne, pistes de ski, c'est formidable. Mieux. Bon alors, je vais juste... Tiens, vas-y, c'est bon ? Tu passes ? C'est parfait, c'est validé par la street. Allez, c'est reparti pour le dernier tour. J'ai hâte d'en refaire un, mais avec les skis. Voilà, toujours un maximum de plaisir. Hop, c'est parti. En espérant que vous ayez la chance de partir au ski. Parce que comme on l'a dit avant, c'est un sport de riche. De riche et de personnes qui balancent toutes leurs économies pour y aller. Et on les comprend car c'est excellent. Ah. Hop là, on est reparti. Fouf. Fouf. Attends, mais tu as pris mon gimmick. Non, ben non, on n'a pas le même. Toi, c'est... Ouf. Et moi, c'est... Fouf. Oui. Mais le principe est le même. Non, c'est pas du tout la même chose. Tu me copies. Tu as fabule. Tu me copies de manière éhontée. Allez, profitez un petit peu des pistes avec nous. De ce calme qui règne. Ce calme olympien. Hein. Et que nous venons troubler de notre... mais attends. De nos discussions. C'est là où je me suis bien ramassé. Ouais, là, on ne verra pas. On ne verra pas, mais effectivement, voilà, c'est là. Bah ouais, le principe quand Quentin et moi on va skier, c'est de tomber finalement, hein, voilà. Plus que d'être sur ses skis. Moi personnellement, je sais pas pourquoi, mais mes skis, à chaque fois que je tombe quasiment, se déchaussent. Ouais. Je déchausse à chaque fois. Et je suis obligé de remonter 15 km pour aller chercher mes skis. Ça, par contre, c'est abusé. 15 km, on est plus sur du 13. Hein. On est, oui, nos, 13 km. Ne mens pas à nos auditeurs. Je voulais pas. Oh là là, la jeunesse, hein, la jeunesse qui skie. Oui. Ça fait plaisir, bien sûr. Donc, voilà. Et toi, alors, tu tombes Alors, moi, je skie vitesse. J'aime bien ce qui est plaisir, mais occasionnellement, tu vois. J'aime bien vraiment que le plaisir soit tranquillement, voilà, un petit peu de technicité de temps en temps pour profiter des paysages. Mais le reste du temps, c'est vrai que j'aime bien ce qui est vitesse, j'aime bien ce qui est sensation. Donc, surtout des pistes rouges, des pistes noires. Ce qui occasionne, de temps à autre, pas mal de chutes. Car, casse-cou, vie de casse-cou. Vie de casse-cou. Sans mettre la vie d'autrui en danger, bien sûr. Hein. Bien évidemment. Si vous voulez faire des choses dangereuses, mettez votre vie en danger, mais pas celle des autres. Ça s'appelle le respect et le savoir-vivre, bien évidemment. En tout cas, je peux vous dire que, voilà, en descendant, ça a l'air long, mais quoi, on met à peu près une heure en faisant des pauses à deux, voilà, à chaque fois... On se dit, ok, on va où ? On va par là et tout. Quand on fait tout en touche-ousse comme moi pour te rejoindre... 37 secondes. Enfin, ça met 37 secondes. Non, environ 10-15 minutes. Ouais, c'est fou comme le touche-ousse fait que bah, finalement, c'est assez rapide. Hein, surtout quand on descend sur les fesses. C'est une autre façon de skier. Ça. Les petits chemins comme ça, quel plaisir. J'ai envie de marcher dans la neige et d'être seul au monde. Alors pas moi. Et moi, d'être j'ai envie de skier enfin de tranquille. Je veux qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi tranquille. Bah pardon, je m'en vais. Hein. Voilà, saute immédiatement. Saute ici là, tac. Moi j'ai tiens, toujours... fais coucou avec l'ombre là. On le verra pas, mais fais coucou. Yes, bonjour. J'ai toujours extrêmement peur, encore à l'heure actuelle, de faire tomber quelque chose. Mec, tu dis ça. J'ai failli faire tomber la GoPro à l'instant. Quand t'as commencé ta phrase, j'ai fait. Oh non, ça aurait été terrible. D'ailleurs, petite anecdote, on a déjà raconté l'anecdote de la GoPro, non ? De mon ancienne GoPro. Je crois. La dernière fois qu'on a fait du ski, c'était il y a 4 ans au Contamine avec nos copines respectives. Oui. Et j'avais une GoPro Hero Silver 3+, donc à l'époque, c'était pas le must, mais c'était le top quand même. Et toute la semaine, j'y fais super attention. À chaque fois qu'on fait une remontée, une descente, je fais super gaffe. Dès que je tombe, où est-elle ? Je la cherche. Je me précipite pour la ramasser. Et le dernier jour, on a fait la descente de trop puisque je l'ai perdue à ce moment-là. Et je n'ai aucune idée de où elle a pu bien passer. Alors que tout le monde est rentré, je suis ressorti exprès refaire les pistes, les endroits où on est passé. Écumer les tout. Pistes. Et malheureusement, elle a totalement disparu. Donc, si la personne qui a trouvé une GoPro Silver 3 Plus au Contamine vers 2016, ouais. Voilà. Regarde cette vidéo, et bien, garde-la, fais-toi plaisir avec. Franchement, c'est est-ce qu'il peut revoir les fichiers qu'il y a dessus, par exemple ? À mon sens, il n'y a rien de compromettant. Si je me souviens bien, ma mémoire me joue des tours. Mais a priori, il n'y a rien de compromettant dessus. Donc, fais-toi plaisir. Il n'y a que moi qui chute, je me pense. De manière éhontée. Hein. De manière éhontée et nombreuse. Très nombreuse. Non, voilà. Mais moi, j'aime bien me laisser tomber dans la neige. C'est le plaisir aussi, ça rafraîchit. Quand on a trop chaud sur les... Bon, je fais pas exprès. Vraiment, je tombe parce que je suis nul, en fait. Non, mais il y a une vraie chose qui se vérifie, qui est la fatigue alpinique, j'ai envie de dire, par rapport au ski alpin, qui est que vraiment, on tombe beaucoup plus en fin de journée. Alors, c'est peut-être dû à la flemme, parce que on est fatigué, on a envie de rentrer. Du coup, on fait moins attention. Mais en tout cas, j'ai tendance, personnellement, à tomber beaucoup plus en fin de journée. Bah, c'est surtout la fatigue, finalement. Hein. J'imagine bien. D'ailleurs, c'est fou, parce que le ski, on pourrait se dire, bon, en soi, ce sont les skis qui font tout le travail. Donc, ce n'est pas réellement fatigant. Or, on ne se rend pas compte, mais on est constamment gainé en tension. Ouais, sur ses appuis. À contrôler les virages et tout. Donc, en fait, c'est réellement très fatigant. Et si on en croit nos Apple Watch, puisqu'on peut mettre, le sport qu'on est en train de faire, et ça calcule globalement les calories qu'on dépense, c'est assez impressionnant tout ce qu'on dépense quand on fait du ski. Ce qui me fait dire que finalement, manger gras, ce n'est pas si grave que ça. Ou alors, je suis en train de me trouver une excuse. Ce qui est probablement le cas. Regardez-moi ça, cette vue-là. Ça, c'est Vincent. Mais la vue derrière n'est-elle pas belle ? Si, elle est magnifique. Alors qu'on arrive de nouveau à cette station que j'en ai marre de voir. Hein. Alors, là, j'ai vraiment envie. Je sais pas toi, mais moi, j'ai extrêmement froid maintenant. Il fait froid, bien sûr. Et je sais pas comment tu fais avec des gants aussi fins. Mais tu prends sur toi. Je prends sur moi. C'est un sacrifice de ma part. De venir au ski, hein, juste pour faire oui, ce podcast. Oui, bien sûr. Là, je déteste le ski, je préférerais être chez moi dans mon salon. C'est faux, ça c'est totalement faux. Bien sûr. Quel calme, quelle beauté. Dans ces moments-là, je me dis quand même quelle chance d'être en vie et de pouvoir voir tout ça. Le Montana avec sa planche de charcuterie fait un tabac aujourd'hui, apparemment. Oui, exact. Qu'est-ce qu'on mange ? Ah oui, c'est vrai, on mange au studio. Attention, ah bon, ça va se lever. On n'avait pas dit ça. On avait dit. Je crois que la faim fait changer ton discours. Alors, oui et non. C'est surtout qu'on est à la montagne, donc je propose qu'on aille manger. Tiens, on va juste voir vite fait le plan pour leur montrer à nos auditeurs. Ah, il y a un plan ici. Exact. Voilà, pour montrer un petit peu jusqu'où on monte. Là, on est à 2150 mètres. 2150. Tiens, par contre, tu peux le faire car je porte le sac et c'est impossible à mes yeux. Alors j'espère qu'on tu peux te rapprocher. Tu peux te rapprocher. Voilà, montre un petit peu. Donc là, on est exactement ici. On est ici. Près du Montana. Hein, vous voyez le Montana. Bien sûr. Hein. Et on a un panel de pistes qui s'offre à nous absolument. Franchement, c'est sympa. C'est une station, somme toute, assez modeste. Alors, mais qui est quand même purement plaisir. Je sais pas si vous la voyez à droite, non. La noire, la balme. La balme qui est tout le temps fermée. Énorme. Elle est vraiment tout longue. Le domaine. Et j'adorerais la prendre, mais malheureusement, elle est tout le temps fermée. Ouais. Bien écoute, je dois dire que... Vas-y, repartons. Oui. Je dois dire que, à mes yeux, les noirs sont assez peu plaisir. Car c'est... On c'est parle très... bien de piste. Hein. Oui, alors, je n'y pensais pas. Tu y pensais. Non. C'est toi le raciste. Non. Les idées mal placées, on sait d'où elles viennent. Hein. Ah. Attends, mais tu veux t'arrêter au Montana ou pas ? Pourquoi faire ? Bah, pour manger. Maintenant, là ? Bah, je sais pas, c'est toi qui en parlais avant. Ou alors on rentre ? Bah moi je pensais rentrer, chausser, remonter au Montana, bon, allez, manger, c'est parti. Et voilà. C'est vrai ? Ouais. Ok, bon, on peut le faire. Mais comme ça on est tout de suite sur les pistes après quoi. Allez, let's go. Et effectivement du coup les noirs c'est assez peu plaisir car elles sont très techniques. Oui. Donc on peut faire rarement de la vitesse. Comme je le disais avant, moi j'aime bien la vitesse. J'aime bien l'intensité quand on est dans le full moment présent. Et du coup les noires, voilà, j'en fais de manière occasionnelle, mais ça m'intéresse pas tant que ça. Car généralement, elles sont assez courtes et techniques. Aïe. Ça, c'est on caméra. Je sais pas si on le verra, je pense. Si, si. On vient de se frapper la tête. Se taper. Regarde-moi ça. Fais tourner. Attends, je vais le faire. Fais tourner. Tac. Nickel, regardez cette vue. Profitez avec nous de ce que la Terre a de plus beau à nous offrir. Si jamais vous voulez voir ça, travaillez dur et vous pourrez le faire, vraiment. Ne ratez pas des choses comme ça. Ça vaut le coup de lever le cul de son canapé pour pouvoir profiter de tout ça, vraiment. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, mais quel plaisir. Quel plaisir. J'anime car nous sommes dans un podcast, mais j'ai vraiment envie de me taire et juste profiter. Ah, t'as vu, on voit la neige est soufflée par, par le vent là-haut. C'est beau, putain. Incroyable. Ou alors non, c'est des nuages. Je pense que c'est effectivement des nuages qui viennent se fracasser contre la cime. Et exact. C'est tellement beau, c'est incroyable. Quand on voit ça, on se dit on n'est rien finalement. Ah, on n'est rien, bien sûr. Hein. On n'est pas grand-chose dans cette immensité. Et après, bon, j'ai envie de dire, les gens disent réchauffement climatique. Ouais, écoutez, il y a de la neige partout. Exactement. Ici. Hein. C'est à quel moment il y a du réchauffement climatique. On a fait cette blague déjà dans le vlog 1 sur Oswam, on l'a refait. Non, mais ça fait plaisir. Ouais, du coup, les rouges. Les rouges, c'est. C'est un bon compromis vitesse-technicité. Exact. En plus, longueur aussi, parce que généralement, elles sont plus longues que les noires. Donc voilà. Après il y a les petites vertes digestives. Voilà. Tranquillement. Qui permettent de digester de profiter, hein, tranquillement. Et de penser à plein de choses. On est un peu dans ces pensées, dans ces moments de calme sur les vertes. Et puis bien sûr il y a après les bleus. On est, qui sont les on flics. On est juste debout, hein, donc fuck et le on 17, se laisse. On se laisse glisser. Glisser. On se laisse glisser. Hop un peu hop un peu d'accent alsacien ici. Ça bien va sûr. Pas mal, hein. On laisse quelques prips d'Alsaciens. Que c'est beau. Mais regardez ça. Regardez ça. Oh là là là là là là. J'ai tellement hâte d'être vieux et de vivre loin de tout, tranquillement. Oh là là là là. Même loin de moi, par exemple. Oui. Alors ça, c'est mon premier vœu. Hein. Ah ouais. Je ne travaille que pour ça. Non, mais je... C'est marrant parce qu'il y a un moment dans la vie où tu as une sorte de déclic et l'apparence que tu as par rapport au jugement des autres n'a plus aucune importance, tu vois. C'est-à-dire tu fais ce que quand tu veux down. Pour toi. Bah non, parce que je pense que 40-50 ans, c'est toujours le cas. Mais quand tu as genre 70 ans, tu t'en balèques, mon pote. D'une force. Voilà. Déjà, à l'heure actuelle, ça ne me pose plus trop de soucis, tu vois. Mais bon, forcément, il y a toujours un petit peu de pression sociale. De pression. Putain, là, je commence à avoir la bouche congelée, c'est terrible. En même temps, on a du vent, là, qui nous souffle sur la tête. Exact. Directement, et on a... Bah, moi, je congèle, là. Hein. D'ailleurs, la coupe qu'on doit avoir... Ça doit être assez terrible. Attends, il est mort. Hein. D'ailleurs, petite. Allez, on va se faire un petit exercice de prononciation pour tous les gens qui nous regardent et qui veulent s'échauffer rapidement la bouche. Il suffit de dire toutes les consonnes de l'alphabet suivies à chaque voyelles. Fois de toutes les voyelles. Donc, bave, bibobu, kake, kikoku, dade, didodu, fafe, fiofu, gage, gigogu, hahiru, jajajuju, ka. Ouais, vous avez compris le principe. Et en fait, le fait de faire bouger la bouche à ce point, ça va chauffer tous les muscles de la bouche, car c'est une zone où il y a énormément... Enfin, où les muscles sont nombreux, si je me souviens bien. J'ai envie de dire, les chaussettes de l'artiste du chef sont-elles chaises? Aïe, aïe, aïe, le carambolage immédiat. Oui. Mais on s'y attend, alors, avec ce franc, on s'y attend. Ou alors, pour notre petit placement de produit qui nous rémunère énormément en ce moment et qui nous permet de partir au ski, je suis passé ces chaussettes. Alors c'est totalement c'est faux. C'est totalement faux. Quand bien même tu es client Soch. Je suis. Donc je c'est je toi suis qui les paye finalement. Je suis passé chez Soch pour. Oh je l'ai bien dit. Je suis passé chez Soch. C'est une bonne un bon exemple marketing je trouve. Ouais c'est très bien trouvé. Mais tu sais les pubs qui marchent toujours le plus c'est les trucs comme ça ou alors qui ont une catchphrase qui rentre direct dans la tête. Style l'Américoré. Ou alors du vin, du pain, du boursin, tu vois. Tous les trucs comme ça qui riment, ça rentre si facilement dans la le tête. Le cheval, c'est génial. Le cheval, c'est dans les lasagnes. Oula, oula, oula. Hashtag Findus et le scandale qui on a n'oublie pas fait trembler la terre entière de France. Non, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver, bien évidemment. Bien évidemment. Comme le fait de manger de la viande aujourd'hui, je pense. J'ai hâte. J'ai encore personnellement du mal à me passer totalement de viande. Ah ouais. J'ai hâte qu'on arrive à faire développer de la viande organique en laboratoire, comme on arrive déjà à le faire. Mm. Mais ça coûte excessivement cher. Donc pour l'instant, c'est inabordable. Si ça se trouve, un jour, c'est inabordable. Ce sera abordable. Et on ne fera plus souffrir aucun animal. Ça, ce serait le rêve. Hormis absolu. Les gros connards qui continuent de faire des cirques. Et diverses choses comme par exemple le fait de se balader en éléphant en Thaïlande, ce genre de choses. Ne faites pas ça, vous engraissez des systèmes qui font souffrir les animaux. Exact. Donc ne faites pas ça. Ah, quel plaisir. Allez, on arrive tranquillement à la fin de la piste. On peut se dire au revoir hein, avant d'arriver. On va vous laisser tranquillement avec la fin, donc portez-vous bien. C'est le plus important. Et à la prochaine. Profitez bien. Ciao.